Le balai des gyrophares nettoie la ville de ses névroses. Mon corps titube sur le trottoir de la ville rose. Feu d'artifice sous mes paupières, les néons des vitrines dansent le Capitole sous les éclairs. Ce soir, Toulouse est en colère. Est en colère. J'aime ces longues nuits d'hiver, le temps semble s'y arrêter. Les secondes fondent en années, la neige tombe si légère sur mon corps qu'elle sculpte dans la froideur qui me fige. Mes membres ne répondent plus, la noirceur de la ville me donne le vertige. Le vertige. J'observe les lumières de la ville, d'un monde qui paraît si fragile. Vu de là-haut, où ma conscience éveille alors une prose, j'ai manqué soudain d'assurance. Nous sommes vraiment si peu de choses. Une cascade lacrymale dévale la courbe de mes joues. Ma sensibilité qui s'emballe devant cette beauté qui s'étale. Mon cœur tambourine fait des bonds, sous ma poitrine tout explose. Mon corps au bord de l'implosion, au-dessus de la ville rose.